La vallée de l'Aune en transition, épisode 2, quand le fleuve déborde. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, un projet européen qui s'intéresse à notre façon de vivre avec le fleuve. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment le développement de l'activité humaine sur le territoire est intrinsèquement lié au fleuve. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux manières dont les inondations impactent la vie des habitants et aux manières de gérer les moments de crise, d'autant que ces épisodes ont été fréquents sur les 50 dernières années. Bon, les crues de l'Aulne, jusqu'aux années, enfin, les années 25-26... Alain Le Guil, ancien directeur des services techniques de la commune de Châteaulin. C'était les dernières crues connues avant-guerre. Et la première crue, donc d'après-guerre, s'est déroulée en 1966 et qui était une crue, entre guillemets, normale de l'Aulne, où bien souvent l'eau rentrait le soir, restait toute la journée et hop, ça repartait. Il y a eu très peu de crues, d'ailleurs, où l'eau a stagné très longtemps. Et donc, 1966, comme je vous disais, c'était pas une crue très forte. 1974, donc moi je suis arrivé à la mairie de Châteaulin en 72, donc la première crue que j'ai connue, c'était la crue de 74. Après, donc, 74-82, c'était cyclique 8 ans, 66-74-82, 90. Donc là, les inondations 66, 74, 82, 90 étaient à peu de choses près des inondations de même importance. Après, ça s'accélère, 90-95 qui est déjà une plus forte inondation. 95-2000, donc là ça devient le cycle 5 ans, donc 2000, c'est la plus forte inondation connue. Et comment, depuis, en fin de compte, en dehors de 2013, où on n'a pas eu, et si on fait donc le depuis 2000, en fin de compte, sur 20 ans, on a eu juste la petite inondation de 2013. La conscience du risque de crue a mené à la mise en place de plusieurs dispositifs. Le barrage à clapet mobile de Guiliglaze a été construit en 2006 à Port-Launay suite aux inondations particulièrement marquantes de 1995 et de 2000. Le seul ouvrage très important, c'est le barrage mobile de Guiliglaze, donc sur Port-Launay, qui après donc la crue de 2000, avec donc des clapets mobiles qui s'escamotent au moment des crues, qui ont permis d'avoir une action très importante, notamment sur la partie aval donc de Châteaulin, c'est-à-dire notamment sur Port-Launay, qui grâce quand même à la mise en place de ce barrage, on va dire, avec les clapets mobiles, a eu une grosse incidence. Suite aux inondations de 2000, il y a eu une étude de fait parce que c'était un barrage en une retenue en béton, en fait. Gaël Calvar, président de l'EPAGA et maire de Port-Launay. Et qui empêchait, en fait, l'eau d'évacuer avec la marée. Et donc, il a été décidé de casser ce barrage en béton et de faire un barrage à clapets mobiles qui, en hiver, en fait, les clapets sont totalement ouverts et permettent à l'eau, au mètre cube d'eau, de s'échapper et ne sont pas retenus dans le bief, dans les biefs de Châteaulin et Port-Launay. Et le fait d'avoir un barrage en dur, bah, quand on se retrouve avec inondation, on ne peut pas le bouger, ce barrage. Nathanaël Jeune, chargé de mission inondation à l'EPAGA. Et donc l'idée de mettre en place un barrage à clapet mobile, à la place d'un seuil dur, c'est de dire, lorsqu'on a une inondation, on a beaucoup de débit qui arrive de l'amont, on peut se permettre d'abaisser ces clapets finalement, puisque le niveau d'eau, de toute façon, quand il y a une crue, on n'a pas besoin de maintenir le niveau d'eau, puisqu'il n'y a pas de navigation en cas de crue, ou alors les bateaux sont des hors-bord qui peuvent naviguer avec un débit très important de l'eau, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc on va se permettre d'abaisser les clapets du barrage et ainsi abaisser la ligne d'eau dans le bief amont de Port-le-Nez. Et donc limiter les hauteurs d'inondation dans cette zone-là. Donc le rôle du barrage actuel de Gilligland, il permet en fait, en cas d'inondation importante, d'abaisser les niveaux d'eau. Il ne va pas enlever le risque d'inondation, mais il permet de réduire les hauteurs d'eau au moment des inondations dans le bief entre Port-le-Nez et Châtelain. Ces précautions diminuent l'ampleur des inondations sur la partie basse du fleuve, mais le risque est toujours présent. Alors, que se passe-t-il quand le fleuve déborde? Comment les habitants s'adaptent-ils? Madame Kienek, habitante du quai Charles de Gaulle, raconte l'épisode de 2004. Oui, en 64, on a dû venir habiter ici. J'avais mis les hauteurs. Hein. Voyez-vous, au début, 0,15 m. Bon, 75, 52, 1,10 m, 1,25 m, 1,50 m. Bon, là, c'était un swim, quoi, oui. Mais enfin, quand même... Et alors, vous voyez ici, j'avais mis à 2 mètres du pont routier, alerte, oui. Que chez nous, heureusement, ça ne vient pas c'est pas une pluie d'orage, ça ne vient pas rapidement. On voit quand même l'eau monter. On a le temps de se réfugier, on enlève les voitures, on enlève tout, et puis on les met ailleurs, quoi. Mmh. Bah, ça a duré pas mal aussi. Et puis, bah, je vous dis, ça avait dépassé le frigo, là. Alors, nous, quand on regardait par ici, là, la porte s'ouvrait, le haut, et puis on voyait le frigo, ben, il nageait, quoi. Tout nageait. Il a fallu remplacer des portes, parce qu'on avait mis les portes sur des tréteaux, hein, pour éviter de les... Et ben, résultat, les tréteaux, les portes, elles flottaient aussi, et puis... certaines, il a fallu les remplacer, quoi. Les bateliers de Port-le-Nez sont aussi particulièrement exposés. Eh ben, on met bien les repoussoirs, on met des roues de voiture, et puis on surveille bien, on attend que ça se passe. C'est surtout l'hiver qui est très dangereux. Mmh. Parce qu'il y a quand même des arbres qui déboulent du canal et qui cognent contre la coque, et ça abîme les bateaux. C'est les contraintes. Hein, ici. Moi, j'ai eu un arbre sous mon bateau, je l'ai pris dans la quille. À 4h du matin, je veux dire que ça vous réveille. Hein. Et ça fait un boum. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le bateau, il est remonté de l'arrière, parce qu'il est remonté de l'arrière, pour dire que la forte, c'était un gros qui était en dessous. Hein. Il était remonté et toutes les gardes étaient tendues à mort. J'ai été obligé de mettre une garde, un bout, si vous voulez, autour du mât, et mettre sur une ligne d'amarrage pour pouvoir sécuriser davantage. Quoi. Parce que là, on prenait une lame, pouf, on cassait. On vit au gré de ça. Enfin, je sais que là... J'ai acheté la maison d'à côté pour faire des gîtes. En fait, on ne peut pas dormir au rez-de-chaussée, ici. On n'a pas le droit. Ouais. On n'a pas le droit d'avoir une pièce où on dort. Normalement, on n'a même censé pas avoir de canapé. Après, ici, c'est zone rouge. Là où on est à Châtelain, c'est zone orange. Parce qu'il y a la plaine derrière qui permet à l'eau de s'écouler. La Cabane Bleue, à Poulaouen, est un restaurant au bord de la Voie Verte. Il a été particulièrement touché par l'inondation de 2013. Depuis que vous êtes ici. Ah oui. Est-ce que vous pouvez raconter ça? Une très très grande inondation. Le 24 décembre 2013. Oui. Le cadeau de Noël. Il y avait l'eau juste sous le toit. Alors un dégât total. Et c'était tout neuf. C'était le début qu'on a tout fait. Installé comme petit resto. Et puis, ouais. Oui, toute la région était inondée, pas seulement ici. Morlaix, partout. Tout débarrassé d'abord. Et puis, beaucoup de courage pour refaire. Ouais. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup perdu. Il y avait beaucoup de chaises, tables qui sont passées par la rivière. Ouais. Même les... Et c'est ce qui est drôle, même l'assurance n'a rien dit. Parce que personne... à penser que, oui, on est proche de l'aune, mais personne n'imaginait que ça pourrait arriver. Il y avait plus que 80 ans qu'il n'y avait jamais une inondation comme ça. Il y avait peut-être quelquefois de l'eau, mais on ne voyait rien parce qu'il n'y avait que de l'herbe qui est si haut. Et... Ben, le monde agricole avait été sollicité avec les tonalisiers pour aller vider les caves et tous les réduits. Jean-Hervé Cogan. Par exemple à Châteaulin, et on avait eu une solidarité avec les pompiers du monde agricole relativement forte parce qu'ils ben, ne pouvaient pas assumer le pompage et la remise en état de l'ensemble. Et donc les agriculteurs avaient été solidaires avec les habitants. Et les tonalisiers pour vider les caves. C'est quoi les tonalisiers ? Ben, ce qui sert à pomper le lisier des fosses et qui sert à épandre sur les champs, alors que là on l'utilisait... Au lieu de pomper dans une fosse, on pompait dans une cave. Et on a vu d'ailleurs une reconnaissance de la population châtelinoise assez forte ou assez fervente. Lors des crues, des mesures sont également mises en place par les collectivités et les structures publiques pour protéger les personnes vulnérables. Renaud Graal, directeur de l'EHPAD, nous raconte l'évacuation de son établissement en 2000. Alors nous, c'est la particularité, c'est vrai qu'on était un ancien foyer logement qui était situé dans un ancien bâtiment qui lui était proche de l'Aulne et qui a fait l'objet de plusieurs évacuations pour cause d'inondation et avant que je prenne mes fonctions. Et après, moi-même j'ai vécu deux épisodes très rapprochés en 2013. Pour l'anecdote, c'était le 24 décembre. Joli cadeau de Noël. Donc évacuation, première évacuation de l'établissement et puis une autre en février à suivre. La première inondation, elle s'est limitée à une arrivée de l'eau sur le parking, ce qui s'arrêtait à peu près à 5 mètres de la porte d'entrée. En principe de précaution, on a été obligé d'évacuer l'établissement parce que après l'eau peut venir par les cages d'ascenseur, etc. Et puis s'il y avait des problématiques, coupure de courant ou autre, ça mettait en danger les résidents. Les résidents qui ont été dispatchés sur plusieurs établissements dans les environs. On avait organisé ça avec le concours de l'ARS qui avait justement essayé de trouver ces places pour accueillir les personnes. C'était moi le dernier à partir du bâtiment. Quand un navire coule, c'est le capitaine normalement qui reste. C'est pas le premier à prendre la chaloupe, on va dire. Et du coup, ben, faire un dernier tour d'établissement, voir dans toutes les pièces, dans tous les logements, s'il n'y a personne. Pour conforter justement ce que le tableau de bord dit, ben voilà, tout le monde est parti, on le vérifie quand même physiquement. Les mairies ont également un rôle important à jouer. C'est ce que nous raconte Fabienne Berthoud, qui travaille à l'accueil de la mairie de Châteaulin depuis de nombreuses années. Ils ont besoin d'être assurés, il faut qu'il y ait du monde en permanence, et ils ont surtout besoin d'être assurés. Ce que j'ai vécu, parce qu'on organisait des duos pour travailler, des binômes, et donc on travaillait 2 heures la nuit, voilà, fallait que la mairie soit ouverte en permanence. Et je pense que la personne qui habite au bord du canal, quand elle voyait le canal ou le bruit que ça fait, parce que c'est impressionnant, moi je vois mes premières permanences, je venais à pied, et c'était impressionnant. Ça fait du bruit, la nuit c'est amplifié, les bruits sont amplifiés, et l'eau fait du bruit, quoi. Et on n'entendait que ça, et c'est vrai que c'était impressionnant. Et quand nos permanences de nuit, les gens avaient besoin de, quand ils passaient, par exemple, je devais faire pipi ou quoi que ce soit, ils se levaient, ils voyaient le canal, besoin de savoir quelle hauteur on avait au pont central pour savoir si eux, ils allaient être impactés un peu plus tard. Ou, voilà, besoin d'être assuré et d'avoir quelqu'un au bout du fil. C'est surtout ça. Il y avait ce bureau-là qui n'était pas du tout avec cette configuration-là. C'était la salle café. On se retrouvait, on avait des cafetières qui tournaient en permanence. Et puis, le directeur du centre Leclerc, il avait toute sa réserve au bord du canal. Donc, il venait voir est-ce qu'il allait être impacté, son magasin aussi. Donc, voilà, on était tout un groupe. Il y avait nos responsables, il y avait les pompiers qui passaient. C'est triste parce que les gens ont mais voilà, ils ont un regard aussi, ils ont leur propre regard, ils savent très bien, ils nous appellent et ils savent que, dites-nous, voilà, c'est ça. Dans combien de temps ? Donc après, nous, la mairie se charge de livrer de mettre à disposition des parpaings. Et puis vraiment, quand c'est des grosses crues, on aide aussi. Donc après, on a eu l'école de gendarmerie qui nous a beaucoup aidés pour le montage des meubles et puis voilà. Moi, j'étais directeur des services techniques. Oui. Et en tant que directeur des services techniques, bien sûr, la gestion matérielle des crues m'appartenait. Et déjà, sur les services d'annonce de crues, notamment aussi avec les moyens modernes qu'on a, il y a quand même possibilité pour les gens qui veulent bien se faire connaître de recevoir des messages en direct pour dire quelle était la situation. Et si les gens aussi, parce que nous, on mettait en place notre service annoncé cru, et on était présent 24 heures sur 24 en mairie. Et on distribuait, je dirais, de l'ordre peut-être de 5 ou 6 000 parpaings pour monter les meubles notamment. Et là aussi, les services allaient bien sûr donner un coup de main, notamment chez les personnes âgées, pour donner un coup de main pour monter les meubles, quoi. On sait par exemple que quand le pic de crue est atteint à Châteauneuf-du-Fou, à Châteaulin, ça va continuer à monter encore pendant 6 heures. Et intermédiaire, Pont-Coblanc, donc sur Plébin, et c'est 3 heures. On voit la crue monter et arriver donc en dernière limite à Châteaulin. Et d'ailleurs, c'est quelquefois difficile là aussi à faire comprendre, c'est qu'on a quelquefois un beau soleil comme ça, après le pic de crue, un beau soleil qui va être là 24 heures après le pic de crue. Et les gens ont dit, ben oui, il ne pleut pas et l'eau continue à monter. Donc, ils ont encore lâché de l'eau quelque part, quoi. Voilà quel était bien souvent le raisonnement. Alors qu'en fin de compte, c'est parce que l'eau qui était tombée en amont arrivait, ben oui, tranquillement, entre guillemets, jusqu'à Châteaulin. Ils disaient évacuer l'eau, remettre en service autant que c'est possible du chauffage pour assainir le plus rapidement possible la maison pour qu'elle redevienne utilisable. Après, donc, effectivement, il y a aussi, à ce niveau-là, le côté, comment dire, les gens qui ont été perturbés par l'inondation, donc le côté assistance donc aux personnes, de pouvoir les aider, effectivement, parce que autant, bien souvent, dans l'action, les gens crochent dedans, et c'est après coup, quand ils découvrent leur maison complètement, c'est là qu'il y a le côté, on va dire, coût moral qui est important à gérer. Et ce qui est important aussi, mais ça on le voit dans beaucoup de catastrophes, c'est l'aide. L'aide, les gens qui viennent spontanément aider pour notamment donner un coup de main, pour lever des meubles ou autre, et, ou aider aussi sur le côté, par exemple, c'était un peu, on mettait en place une cellule de crise indirecte au niveau notamment des restaurants où bien souvent on aidait les personnes qui ne pouvaient plus faire de cuisine chez elles. On les regroupait dans les restaurants et là il y avait un côté cellule psychologique qui intervenait un petit peu, même si ce n'était pas réellement l'appellation, mais c'était important que les gens aient du relationnel à ce niveau-là. Après les crues et pour préparer les suivantes, il y a un enjeu à améliorer la connaissance des habitants sur le risque et à créer une mémoire collective pour se souvenir des épisodes de crues passés et pour mieux s'adapter aux prochaines. Améliorer la capacité à faire face aux inondations semble d'autant plus important dans un contexte de changement climatique où les conséquences des crues pourraient s'aggraver. La mémoire humaine a ceci, on oublie très vite en fin de compte. Autant dans les mois qui suivent l'inondation, les gens sont très sensibles, mais comme là, depuis 2000, il n'y a pas eu de fortes crues, c'est pas ce qui inquiète le plus, c'est pas ce qui est préoccupant pour le Château-Linois. Ce n'est que, hélas, quand effectivement il y a de très fortes précipitations, quand on voit effectivement le niveau du canal qui commence à monter, là oui, bien sûr, ça devient préoccupant. Après, il y a eu des diagnostics faits chez les habitants qui permettent aussi de remettre une connaissance du risque Gaël Calvar. Parce que c'est vrai que les gens n'étaient pas là tous à l'époque des crues. Il y en a, enfin, il y a eu des gens qui ont acheté depuis, pour qui des fois l'inondation est loin ou inexistante. Enfin, ça, c'est plus dans la connaissance. Enfin, ils sont plus dans la connaissance du risque. Donc, en tout cas, l'information et la sensibilisation des riverains vis-à-vis du risque inondation, c'est quelque chose qui se refait régulièrement parce que, en fait, on oublie vite quand il n'y a pas de crue. On a des villes comme ça qui se sont établies auprès d'un Renaud Graal, d'un fleuve ou d'un cours d'eau. C'est, je dirais que ça fait partie de la vie d'un cours d'eau. Maintenant, on accepte le fait qu'il puisse y avoir des inondations, même si maintenant, bon, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on peut voir que à certains endroits, ça dépasse vraiment les crues, je dirais, classiques et normales, saisonnières d'un cours d'eau. On oublie aussi que la nature a son pouvoir et qu'on ne peut pas la maîtriser parce qu'on veut tout maîtriser, on veut tout... mais non, là, on a encore des rappels qui nous sont faits régulièrement avec tout ce qu'on peut voir comme catastrophe climatique, inondations, incendies, etc. Oui, ça interroge. On l'a compris, les crues de l'Aune sont des événements marquants qui nécessitent une bonne préparation et une certaine connaissance du risque. Dans le prochain épisode, nous allons élargir le regard et voir que l'Aune n'est pas qu'un danger potentiel, mais aussi une formidable ressource pour la transition du territoire. Le fait d'affirmer ce rôle-là peut être un facteur d'amélioration de la résilience face au risque. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet BRIC, porté par le CEREMA et sept autres partenaires. Il est soutenu par l'Union européenne et financé par le biais du Fonds européen de développement régional. Il se déroule dans 8 territoires, en France et en Angleterre. La vallée de l'Aune, la vallée de la Risle, la vallée de l'Oise et la vallée de l'Authie en France, la ville de Plymouth, l'île de Canvey, la ville de Weymouth et le comté du Kent en Angleterre.